بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Ceci dit, louange à Allah de nous avoir comblés de cette assise sur les ondes de la radio du centre Salafi Al-Furqan de Bruxelles en cette nuit du 27 Rabi' 1er de l'an 1442 de l'Hégire, qui correspond au 13 novembre 2020, pour se rappeler mutuellement que les choses s'accomplissent comme les a annoncé le véridique qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu salam. Et pour que cela renforce notre foi et notre attachement à la voix de notre messager, alayhi salatu salam, et celle de ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et la louange est à Allah d'avoir fait que nous soyons parmi ceux qui cherchent à suivre le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. Et ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est pas dû à notre intelligence, ou notre force, ou nos moyens, mais ceci c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble qui il veut. Azza wa jal. Et comme vous voyez, depuis un bon bout de temps, tout le monde a remarqué et remarque cette prise de conscience de certaines fractions de la jeunesse musulmane, et que cette prise de conscience est profonde. Il concerne toutes les sphères de la société musulmane. Et on voit ces signes à travers le monde entier, même dans les pays qui ne sont pas des pays de l'islam. Et les États non musulmans observent et surveillent cette prise de conscience islamique par ces différents services implantés partout et analysent les causes et les motifs de cette prise de conscience et les causes de cette recherche à revenir vers l'islam de la première génération, l'islam sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et les pays non musulmans sont unanimes sur le fait que ce phénomène est dangereux pour l'Occident à cause de la haine, et la haine qu'ils ont contre l'islam. Et celui qui observe cette prise de conscience de cette jeunesse musulmane voit clairement qu'il n'est pas uniquement, ce n'est pas une conscience tout simplement islamique, mais il se veut un retour à la source et il veut s'attacher aux premières générations de l'islam, s'attacher à la voix de Muhammad alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons, de leurs successeurs et des successeurs de leurs successeurs et de ceux qui les suivent à la perfection. Ils cherchent à, et cette prise de conscience cherche sa réforme dans les grands mouvements réformateurs comme celui de l'imam Ahmad rahimahullah et celui de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et celui de Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Et ceci n'est pas pour plaire à l'Occident, qui a tout fait pendant la période coloniale d'éloigner les musulmans de l'islam et d'éloigner les musulmans de cet islam pur, hérité par de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Et ceci est prouvé par les analyses de certains observateurs qui voient que les activités de cette prise de conscience tourne autour de la définition de la salafia et du minhaj salafi et tourne autour de l'appel vers le retour au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi wa sallam selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Et que cette prise de conscience rejette toute forme d'hérésie et toute forme d'innovation et de déviance. Et celle-ci prend le soin d'accomplir les actes d'adoration selon le livre et la sunna en s'éclairant par les écrits, les audios et des érudits savants salafi contemporains comme l'imam al-Albani, comme l'imam ibn Baz, comme l'imam ibn Uthaymiyyin et ainsi de suite et leurs similaires. Et bien sûr, tout cela, l'Occident ne le veut pas. Et aussi cette jeunesse se disent à vous de toute rébellion contre les gouverneurs musulmans et contre toute anarchie et contre tout non-respect des engagements, même avec les non-musulmans. Ceci est une bonne nouvelle pour la communauté, certes, mais ceci n'est pas pour plaire aux ennemis d'Allah, car ils savent que la gloire de cette communauté et dans la voie de Muhammad alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ils ont bien compris, plus que certains musulmans, la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui a dit, la réforme de la fin de cette communauté en bien ne s'accomplira que par les moyens, le moyen qui a réformé le début de cette communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Cela veut dire, si on veut être dans la bonne voie, on veut être bien réformé et réformer ceux qui sont dans notre entourage et sous notre responsabilité, nous devons revenir à la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Et méditer ce récit, relaté à l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il y a plus de 50 ans maintenant. Quelqu'un est venu voir Cheikh Nasr Din al-Albani, rahmatullah alayhi, il lui a raconté l'histoire d'un prêcheur dans les territoires occupés, notamment à Khan Yunus. Ce prêcheur qui prêchait la salafia, mais qui ne pouvait pas dire la salafia ou le manhaj salafi, mais il disait la voix d'Abu Bakr, de Uthman, de Omar et ainsi de suite. Et un jour, ce prêcheur a été convoqué par l'occupant et par les gradés de l'armée et de la police. Il s'est retrouvé dans une pièce, dans l'endroit où il a été convoqué, devant des militaires, devant des agents de la sécurité, et ainsi de suite, qui lui posaient des questions de tous les côtés. Et à un moment donné, une question lui arrive, « Tu prêches quoi ?» Bien sûr, il ne pouvait pas dire. Il a dit, « La voix des gens de la Sunna, la voix de Omar et d'Abu Bakr, etc. » Le pire parmi ceux qui étaient dans l'assise s'est levé et lui a dit, tu as la voix d'Itablir, tu as la voix du Hizb Tahrir, tu as la voix d'Ikhwan, des fréristes, des frères musulmans. Prends n'importe quelle voix parmi ceux-là et prêche. Mais on ne te laissera pas prêcher, appeler vers la voix d'Abu Bakr et d'Omar. Allahu Akbar. Cheikh Nasr Din al-Albani a dit, ils ont compris. Ils ont compris ce que beaucoup de musulmans n'ont pas encore compris. Et Cheikh Nasr de dire, est-ce que la voie d'établir amène vers la voie d'Abu Bakr et d'Omar? Ou il amène vers la voie de... et la voix d'Ikhwan amène vers cette voie-là, ou la voix du Hizb Tahrir, il a dit non. Donc, il ne faut pas Il faut prendre conscience de cette situation. Que la voix agréée min Allah Azza wa Jal n'est pas aimée par les non-musulmans. Donc, malgré la faiblesse actuelle de la communauté, il n'y a aucun doute pour celui qui a la clairvoyance dans la voie d'Allah que la mauvaise fin est pour les ennemis d'Allah. Et la devise de cela est tout simplement la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, al-Farouq, l'homme qui est passé dans une ruelle, shaitan, il passe pas par cette ruelle. Il a dit, radiyallahu anhu arda, nous sommes un peuple à qui Allah a donné la suprématie et les honneurs par l'islam. Et si on cherche les honneurs et la suprématie en dehors de l'islam, Allah nous avilera. Hein? Et avant la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, la parole d'Allah. In tansurullaha yansurkum. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. C'est-à-dire la religion d'Allah sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Allah, il vous fera triompher. Et malgré toutes les difficultés par lesquelles passent les musulmans et la communauté musulmane, tout ça va être balayé par l'ordre d'Allah Azza wa Jal si les musulmans reviennent vers la religion d'Allah sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Il faut avoir la certitude que les situations s'accomplissent comme l'a annoncé le véridique qui n'a dit que la vérité. Que la vérité. Hein? Et qu'on n'oublie pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné le diagnostic du mal de cette communauté et il lui a donné le remède. Notamment dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu arda, où il a donné l'image, une image, hein, où il disait, dans le sens du hadith, le hadith il est rapporté par l'imam Al-Albani dans la chaîne des authentiques, hein, quand vous allez, hein, quand vos transactions vont être basées sur le déguisement du riba, l'aïna, et c'est quelque chose qui est monnaie courante actuellement dans le monde musulman, et que vous courez derrière ce bas monde jusqu'à oublier les obligations d'Allah et que vous êtes content et satisfait de ce bas monde et que vous délaissez, hein, au détriment des obligations d'Allah. Il a cité une seule obligation, qui est le combat sur le sentier d'Allah, mais pas le combat des Dawa'ish. Abadan, ça c'est la corruption sur terre, mais la décapitation des innocents, ça c'est faire le mal sur terre et ainsi de suite. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné cette description et ce diagnostic de ces maladies qui sont quelque chose, qui sont arrivées dans la communauté. Et il a dit dans ces cas-là, Allah vous rabaissera, vous avilira. Et c'est quoi le remède? Comment sortir de là? Il a dit, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et il n'y a aucun doute, le pronom votre est très important, parce qu'il s'est adressé à des gens, alayhi salatu wassalam. Qui c'est ces gens qui étaient là? Abu Bakr, Omar, Uthman, les nobles compagnons. Ça veut dire, si on veut sortir de ce déshonneur et de cette faiblesse, il faut revenir à la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons, radouallahu alayhim. Voyons cette faiblesse dans laquelle est tombée la communauté et qui lui a fait perdre son équilibre et sa suprématie. Il est dû à quoi cette faiblesse? Cela, on le retrouve dans le hadith de Tawban, radiyallahu anhu arda, rapporté par Abu Daoud, qui est un hadith authentique, comme l'a jugé l'Albani, rahmatullahi alayhi. Le hadith est rapporté aussi par une autre voie, une autre chaîne de transmission chez l'imam Ahmed, et par d'autres voies chez d'autres. Le messager a dit dans ce hadith, les communautés, c'est-à-dire les communautés non musulmanes, vont se jeter sur vous comme les mangeurs se jettent sur le grand plat de bouffe. Hein? Imaginez. Est-ce que un mangeur va se jeter sur un plat vide? Eh ben, regardez cette image qu'il a donnée le messager, alayhi salatu wassalam. Ils vont se jeter sur vous comme se jettent les mangeurs sur le grand plat. Qasa, un énorme plat. Et quelqu'un dans l'assemblée a dit, parce que ne seront plus nombreux à ce moment-là, ô messager d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ce jour-là, vous serez nombreux, mais vous êtes comme le routa. Le routa, c'est l'écume emporté par le fleuve ou par le torrent. C'est-à-dire, aucune force. Le torrent fait de l'écume ce qu'il veut. Il le tourne comme il veut. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah enlèvera votre crainte du cœur de vos ennemis et jettera dans vos cœurs l'wahan. Les compagnons ont dit, c'est quoi l'wahan au messager d'Allah? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, l'amour de ce bas monde est la version de la mort. L'amour de ce bas monde est la version de la mort. Son noble hadith qui diagnostique la situation de la communauté, prouve la véracité de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Car depuis un moment, la situation est telle, et conforme à la description qu'on a fait le messager, alayhi salatu wassalam. Et vous voyez ce que nous subissons partout, par les ennemis d'Allah depuis un moment. Donc ce noble diagnostic du messager sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les manigances et les stratégies des ennemis d'Allah, et que les ennemis d'Allah n'ont jamais cessé d'observer et d'analyser cette communauté et de saisir toute occasion pour la démolir et arrêter son progrès et son évolution dès qu'ils voient les signes de l'Wahan. Il saute sur la communauté pour l'achever, l'affaiblir et lui mettre les menottes. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Ceci se pratique depuis l'aube de l'islam. Au début de la fondation des piliers de cette communauté et de son état islamique par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Médine et dans les alentours de Médine, on voit comment les gens du livre observent la communauté. Et ceci est flagrant dans l'histoire des trois nobles compagnons qui se sont abstenus de la bataille de Tabouk. Comme a dit Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu arda, l'un de ces trois nobles compagnons qui se sont abstenus de la bataille de Tabouk, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Alors, c'est-à-dire au moment où il était mis à la quarantaine, boycotté par le prophète alayhi salatu wassalam et par tout Médine, comme l'aura ordonné le messager alayhi salatu wassalam, il dit radiyallahu anhu arda, alors que je marchais dans le souk de Médine, tout d'un coup, un paysan de Cham, un Nibti, qui a ramené de la nourriture à vendre à Médine, a dit, qui me montre Ka'b ibn Malik? Et les gens l'ont orienté vers moi, en faisant des signes dans ma direction. Et il m'a donné une lettre du roi de Ghassan. Je m'arrête là un moment. Regardez, un Nibti, c'est-à-dire un paysan du Cham, du nord de l'Arabie. Hein, un Nibti, c'est qu'il est l'Anbat, Aoula, ils étaient au sud de la Syrie et de la Jordanie. Et ils font partie, de la tribu de l'Rassassina, de le roi de Ghassan, qui est une fédération du royaume romain, de l'empire romain, du nord d'Arabie, du Cham. Et donc, regardez ici son Nibti, qui n'est pas musulman, qui ramène de la marchandise et de la nourriture à vendre à Médine. Et donc les compagnons achètent de la nourriture qui est venue des non-musulmans. Et pourtant les non-musulmans disaient, que ce soit les juifs ou les chrétiens, disaient n'importe quoi sur le messager d'Allah. Et le messager d'Allah ne les a pas boycottés, n'a pas boycotté leur nourriture, ni les vêtements qui viennent du Cham, et ainsi de suite. Et cela, doit attirer notre attention sur ces appels au boycott à travers le monde actuellement, que c'est nul, que ça ne fait pas partie de la voie du messager, alayhi salam. Si c'était un bien, les compagnons l'auraient fait, ou le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait ordonné. Mais il ne l'a pas fait, alayhi salatu salam. Et les nobles compagnons ne l'ont pas fait après lui. Et donc, son épouse et ce paysan du Cham a ramené une lettre du roi Ghassan. Ce roi, qui est un des pions de l'Empire romain, sur cette partie du site de la Syrie et de la Jordanie. Et Ka'b ibn Malik disait, je savais lire et je savais écrire. Et j'ai lu le message de ce roi, où il est dit, ceci dit, il nous a été rapporté que ton compagnon t'a mis à la quarantaine et t'a boycotté. Viens à nous, nous allons t'apaiser. Viens vers nous, nous allons t'apaiser. Méditez bien cela. Comment les ennemis d'Allah orientent leurs jumelles et leurs postes d'observation vers les sociétés musulmanes. Il dit qu'il y a, selon leur vision des choses, quelqu'un qui est soi-disant opprimé ou à qui, soi-disant, on n'a pas donné la liberté d'expression, ils lui font dawa. Viens vers nous, lui donne l'asile politique. Et méditez ces appels que fait et ces cris que fait Amnesty International et autres organisations, soi-disant, de défense des droits de l'homme. Et ceci n'est pas pour l'amour de ces individus. Mais tout simplement pour les utiliser et pour qu'ils créent une faille dans les sociétés musulmanes et pour provoquer l'anarchie dans les pays de l'islam. Et c'est quoi le but de cette proposition du roi chrétien de Ghassan qui est arrivée, cette proposition qui est arrivée dans ce message à Ka'b ibn Malik? Aucun doute, c'est pour créer une faille et une opposition dans la société musulmane. Et méditez cela, dans ces appels et ces pressions que subit l'Arabie Saoudite par exemple pour créer des partis, il y a un pluralisme de l'opinion. Et regardez cette patience de Ka'b ibn Malik. Cette proposition enviable de la part d'un roi, pas de n'importe qui, d'un roi pour aller dans un pays non musulman. Il a préféré patienter au lieu d'aller là-bas, contrairement à beaucoup de nos contemporains, qu'Allah les guide, qui préfèrent malgré les mauvais traitements, le rabaissement, malgré les insultes et le dénigrement du messager sallallahu alayhi wa sallam et le dénigrement de sa religion, elle préfère encore rester dans les pays non musulmans, et d'autres font tout pour traverser la Méditerranée vers l'Europe. Et qu'on se rappelle la parole de l'imam Malik rahimahullah qui a dit, il n'est pas permis à quelqu'un de rester dans un pays où salafs sont insultés. Qu'est-ce qu'il en est d'un pays ou d'un continent où le prophète ou le messager d'Allah est insulté? Encore moins, comme il est rapporté par Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, dans Ahkam al-Qur'an. Et on remarque toujours que les pays non musulmans, malgré les divergences qu'ils ont entre eux, dès qu'il s'agit de l'islam et des musulmans, ils sont unanimes. Ils se soudent entre eux pour comploter contre l'islam et contre les musulmans. Et celui qui lit, et pour écraser les musulmans et les rabaisser, et celui qui lit L'histoire des croisades voit cela clair et net, comme le soleil en plein zénith. Et regardez toutes ces instances qui ont été constituées après les deux guerres mondiales, dans lesquelles les États de l'islam, les États musulmans, n'ont aucun poids. Le Conseil de sécurité, le Conseil des nations, et j'en passe. Et comme le décrit le messager d'Allah, les terres de l'islam renferment beaucoup de richesses, desquelles les pays non musulmans veulent s'accaparer par tous les moyens et desquels ils ont besoin. C'est pour ça que le messager d'Allah a fait rassembler les terres de la communauté musulmane dans ce hadith al-Qas'a, un grand plat, plein de bonne nourriture. Hein? Ces bonnes nourritures qui sont convoitées par l'Occident non musulman. Pourquoi ils sont allés au Mali? Pourquoi ils sont allés en Irak? Pourquoi en Afghanistan? Pourquoi en Libye? Pour les beaux yeux des autochtones, il ne faut pas rêver. Pour protéger et mettre, c'est tout simplement pour protéger et mettre la main sur les mines d'or du Mali et pour le pétrole et autres énergies en Irak, en Libye, en Afghanistan et partout où ils sont allés. Et tous les pays occidentaux ont eu leur part des richesses souterraines des pays de l'islam. Vous voyez l'image qu'a donné le messager alayhi salatu wasalam, un plat, un grand plat plein. Dire, hein, ceci, comme on dit les gens de science, fait allusion aux richesses qu'il y a dans les pays de l'islam, que ce soit sur terre ou au fin fond de la terre. Regardez cette terre bénite qui est, hein, les alentours de l'Qod, c'est tout ça, les oliveries qu'il y a là-bas, l'agriculture, comment il est là-bas. Et en Jordanie, regardez les richesses souterraines dans le Moyen-Orient, pétrole, or et ainsi de suite, gaz, en Algérie la même chose, le gaz, le pétrole et ainsi de suite. L'Algérie n'a pas été colonisée pour rien. Et après la chute de la Khilafa ottomane et la colonisation, hein, les Occidentaux ont morcelé les pays qu'ils ont colonisés. Ils les ont constitués en petits États, alors qu'il était un empire. Ils les ont constitués en petits États, des petits États, pour mieux les gérer, pour mieux les influencer, pour mieux les contrôler. Hein? Et pour aussi mieux les contrôler par les autochtones qu'ils ont éduqués sur la laïcité, sur le libertinage et sur la soi-disant démocratie et ainsi de suite. Et avec cette division, ils sont morcellement faire en sorte que les musulmans s'entretuent entre eux pour des questions de frontières et autres. Et vous voyez, en Afrique du Nord, l'histoire du Sahara, et vous voyez un petit peu partout, au Moyen-Orient, et ce morcellement de l'Empire musulman n'est pas pour nous étonner, car il nous a été annoncé par le véridique qui n'a dit que la vérité, dont le hadith qu'a authentifié Cheikh Nasser al-Din al-Albani, rahmatullah alayh, le hadith du Sham et du Meshq. Le hadith d'Abdullah ibn Hawala, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Abdullah ibn Hawala a dit, le messager a dit, vous allez être constitués en différentes armées. Une armée à Sham, une armée en Irak, et une armée au Yémen. Et je lui dis, choisis pour moi au messager d'Allah, où dois-je aller? Et il a dit, alayhi salatu wasalam, allez vers Sham. Et celui qui refuse d'aller vers Sham, qu'il aille vers son Yémen. et qu'il boit de l'eau de son roudre. C'est-à-dire, le roudre, c'est les petites flasques d'eau qui restent de la pluie. Et les petits trous qu'on creuse pour garder l'eau de pluie en réserve. Et il a dit, alayhi salatu salam, et celui qui refuse qu'il aille vers son Yémen et qu'il boit de l'eau de son roudre, Allah m'a donné la garantie pour Cham et ses habitants. Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, a dit, j'ai entendu Abba Idris al-Khawlani annoncer ce hadith et dire, celui qu'Allah a garanti ne subira pas de perte. Allahu Akbar. Méditez qu'Allah vous préserve. Ce qui a été annoncé par le messager dans ce hadith. N'est-ce pas que ceci, c'est la réelle situation de la communauté musulmane, des États qui ne peuvent rien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Wallahu al-musta'an. Et donc, et sallallahu ala sadiq al-masduq, et prière et salutations sur le véridique qui n'a dit que la vérité, qui a été envoyé comme clémence pour les mondes. Et on voit bien que les États non-musulmans ne craignent pas les États musulmans. Ils ne leur donnent aucune considération et aucune importance. Car comme il est dit dans le hadith, Allah a enlevé la peur des musulmans, des cœurs des non-musulmans. L'effroi qu'avaient les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé de leur cœur. Comme il est décrit dans le hadith que nous a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'auparavant, les non-musulmans tremblaient devant les musulmans. Cette peur qu'avaient les non-musulmans est désignée et dissipée du cœur du non-musulman. Car beaucoup de musulmans se sont éloignés de ce qui leur prévaut, la suprématie et le respect. Ils se sont éloignés de la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam et de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ils ont innové dans la religion d'Allah et ils ont dévié de cette voie. وَرَبُّنَا يَقُولُ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Alors que il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge, quel mauvais séjour que celui des injustes. Et notre messager, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dont voici la partie qui y témoigne pour notre sujet, il a dit, alayhi salatu wassalam, j'ai eu le triomphe par l'effroi à une distance d'un mois. Ça veut dire que il triomphe sur les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala que, alors qu'il lui restait un mois de marche pour arriver vers eux. Vous imaginez un peu? Et comme les savants ont dit, cette spécificité qui est le fait, l'effroi et la peur des non-musulmans des musulmans, il dit cette spécificité aussi pour la communauté. Pourquoi? Où il est la preuve? Ils disent que la preuve, il est dans la parole du messager d'Alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Tawban, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah enlèvera la peur de vous, du cœur de vos ennemis. Hein? Allah enlèvera l'effroi de vous, du cœur de vos ennemis. Et il ne faut pas oublier que la puissance de cette communauté, l'islam, n'est pas dans le nombre, mais dans sa aqida, sa puissance est dans sa aqida, sa puissance est dans son minhaj, le minhaj du salaf. Mohammed alayhi salatu salam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Car c'est une communauté qui porte et qui doit porter l'étendard du monothéisme. Tu as entendu dans le hadith du messager alayhi salatu salam dire « Mais ce jour, vous serez nombreux. » Et nous devons méditer la leçon de la bataille de Hunayn. Cette leçon de la bataille de Hunayn, tu la trouves présente dans les époques de l'histoire de cette communauté. « Qala azza wa jal, wa yawma Hunaynin idha ajabatkum katalatukum falam tughni ankum shay'a. » Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et cela ne vous a servi à rien. Donc, regardez le nombre des musulmans actuellement sur terre. Est-ce que ce nombre lui sert à quelque chose? Cette communauté n'a plus de poids, comme tout le monde le remarque. Et ceci est conforme à ce qu'a annoncé le messager. Il a dit, mais vous êtes comme l'écume emportée par le torrent. C'est-à-dire faible, vous ne pesez rien du tout. L'écume emportée par le torrent l'entraîne où il veut, il le tourne comme il veut, il en est de même. Pour la communauté actuellement, et la situation est claire devant tout le monde, on ne peut pas cacher le soleil par un tamis. Et donc, la communauté doit se cramponner. Et donc, dans cette faiblesse, la communauté doit se conformer à ce que lui dicte la Banque mondiale, le Conseil des Nations, à tous les niveaux, au niveau du social, au niveau de l'éducation, et ainsi de suite. Méditez bien cette image qui est dans la parole de notre prophète alayhi salatu salam. Le torrent emporté par l'écume qui n'est d'aucune utilité pour les gens. Hein? Le torrent, l'écume emportée par le torrent n'est d'aucune utilité pour les gens. Et beaucoup de cette communauté, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde, n'accomplissent pas la religion d'Allah comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ne blâment pas le mal, beaucoup n'ordonnent pas le convenable. Et donc, l'image qu'a fait le messager alayhi salatu salam est juste. Quand on ne se conseille pas mutuellement le bien, et qu'on ne s'avertisse pas mutuellement contre le mal, hein? Où il est le bien? Dans le fait de ne pas ordonner le bien, de ne pas blâmer, hein, le mal. En plus, l'écume portée par le torrent ne connaît pas sa fin, vers laquelle on le fait courir. Il y va de son plein gré. Bah! Et il est comme celui qui a creusé sa tombe par sa propre main. Il en est de même de notre communauté. Hein? Il ne sait rien des stratégies et manigances que les ennemis d'Allah lui ont dressées. Beaucoup de la communauté, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde et a guidé vers la voie droite, beaucoup de la communauté suivent des haut-parleurs qui la traînent vers l'inconnu, qui la traînent vers sa perte. Un, l'appel vers le boycott, l'autre l'appelle vers les manifestations, l'autre l'appelle vers les assassinats, l'autre l'appelle vers le libertinage, l'autre l'appelle à séparer la religion du pouvoir, et ainsi de suite. L'autre l'appelle à la laïcité, à la démocratie, et j'en passe. Et ainsi, tout ce que les ennemis tracent, il y a certains qui le propagent au milieu de la communauté. Et ils prêchent tout ce que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala manigancent pour cette communauté. Comme déviance de la voix du messager alayhi salatu wassalam. Est-ce que les manifestations font partie de la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam? Les assassinats, les poses de bombes, tout ceci ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et on voit bien comment le messager, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien cité dans le hadith du Tauban, que beaucoup sont y pris par ce bas monde et par le mondain. Le mondain est devenu leur grand souci et leur grande préoccupation, et ils ont oublié les provisions pour l'au-delà, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Il y a toujours dans cette communauté une fraction qui fera apparaître, qui s'attache au bien, qui s'attache à la voie pure de l'islam, et ceci jusqu'à la fin des temps. Peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves, peu importe les fitaines. Et notre messager avait peur que sa communauté arrive à ce stade-là. Écoutez ce hadith du messager rapporté par Muslim. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la Perse et l'Empire romain de Cham s'ouvrent pour vous, quels gens vous allez être? Quand la Perse et l'Empire romain de Cham s'ouvrent pour vous, quels gens vous allez être? Abdurrahman ibn Auf a dit, nous dirons ce qu'Allah nous a ordonné. Nawawi a dit, expliquant la parole d'Abdurrahman ibn Auf, on loue Allah et on le remercie et on lui demande de nous augmenter les bienfaits. Hein? Et donc à cette parole d'Abdurrahman ibn Auf qui a dit, ce qu'Allah, nous dirons ce qu'Allah nous a ordonné, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou alors autre chose, vous allez vous rivaliser, vous allez vous jalouser, vous allez vous donner le dos les uns aux autres, et vous allez vous détester, ou quelque chose de similaire à cela. Et puis, vous allez écraser les pauvres muhajiroun. Fin du hadith. C'est pour cela, quand il y a eu la conquête des trésors de Kisra, de Perse, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a pleuré. Et il a dit, quand ceci s'offre à un peuple et s'ouvre à un peuple, ils sont trotus entre eux, radiyallahu anhu, il ne faut pas oublier que les communautés non musulmanes ne pourront jamais exterminer la communauté musulmane, même en réunissant toutes leurs forces. Ils se sont réunis à plusieurs reprises pour exterminer cette religion et pour exterminer cette communauté. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne pourront pas le faire. C'est quelque chose que Allah n'a pas décrété, l'extermination de la communauté par les ennemis d'Allah. Comme cela est annoncé par le messager d'Allah dans le hadith du Thauban, rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit, Allah m'a réuni la terre, c'est-à-dire la terre entière, et j'ai vu l'est et l'ouest de celle-ci. Le pouvoir de ma communauté arrivera à ce qu'Allah m'a fait voir. Il m'a été donné les deux trésors, le rouge et le blanc, c'est-à-dire l'or des Romains et l'argent des Perses. Hein? Et ceci, Ikhwatul Islam, est une preuve irréfutable de la véracité du messager, de la véracité de notre messager, alayhi salatu salam, et de son message. Car cela est arrivé, comme il l'a annoncé, alayhi salatu salam, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa arda, la conquête de Perse, et la conquête de l'Empire romain du nord d'Arabie. Et donc le messager, alayhi salatu salam, a dit, « Allah m'a réuni la terre et j'ai vu l'est et l'ouest de celle-ci. Le pouvoir de ma communauté arrivera à ce qu'Allah m'a fait voir et il m'a été donné les deux trésors, le rouge et le blanc. » Et le messager d'Allah a dit après cela, « Et j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas exterminer ma communauté par une sécheresse générale. » Qu'ils les emportent tous et qu'ils ne soient pas exterminés par leurs ennemis. Et mon Seigneur a dit, ô Muhammad, quand je décrète quelque chose, il s'accomplit. Ta communauté ne sera pas exterminée par une sécheresse générale, ni par des ennemis en dehors d'eux. Même si tous tous ceux qui sont sur terre se réunissent pour cela, c'est-à-dire pour exterminer la communauté. Mais ta communauté va s'entretuer entre eux. Les uns prendront les autres comme butin. Donc tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a garanti à son messager alayhi salatu salam que cette communauté ne sera pas exterminée par les ennemis d'Allah. Mais il y aura des tueries, des massacres entre les musulmans. Et certains prendront, certains en butin. Regardez ce qu'on fait de Dawa'ish. Hein? Donc la question qui se pose, qu'est-ce qui a fait que cette communauté soit à la traîne des autres et dépend des autres et que les autres ne lui donnent aucune considération? Ben, tout simplement, c'est que la solution pour avoir la suprématie, il est dedans le hadith que nous avons cité au début, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. C'est-à-dire, jusqu'à ce que vous reveniez à la religion sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Ceci a été clarifié par le messager d'Allah. C'est-à-dire, les causes de la faiblesse de cette communauté. Il a dit dans le hadith du Tawbah, l'amour de ce bas monde et l'aversion de la mort. Et à cette clarification du véridique qui n'a dit que la vérité, s'ajoute ce qui est dans le hadith de Hudayfa. Ce hadith qui décrit Dakhan, c'est-à-dire le mal, la corruption qui a grignoté la communauté de l'intérieur. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Hudayfa a dit, les gens posaient les questions au messager d'Allah sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal, pour m'en préserver. J'ai dit, ô messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et le mal, Allah a ramené ce bien, est-ce qu'après ce bien il y a un mal? Et il a dit, alayhi salatu salam, oui. J'ai dit, après ce mal, il y aura un bien. Il a dit, alayhi salatu salam, oui, mais il est corrompu. J'ai dit, c'est quoi sa corruption? Et il a dit, alayhi salatu salam, des gens qui sont sur une sunna qui n'est pas la mienne, et qui sont sur une guidée qui n'est pas la mienne. Tu reconnais dans leurs actes des choses et d'autres choses tu ne les connais pas. C'est-à-dire, ils accomplissent certains actes qui correspondent à la sunna, et d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai dit, Hudayfa a dit, et j'ai dit, et après ce bien, il y aura un mal? Le messager a dit, il a dit, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui répond à leur appel, ils le jetteront dedans. J'ai dit, décris-les-moi au messager d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu salam, ils sont de notre race, et parlent notre langue. J'ai dit, comment ordonnes-tu si je vais à ce moment-là? Et il a dit, alayhi salatu salam, tu restes avec l'unité des musulmans et leur gouverneur. J'ai dit, ici, ils n'ont pas d'unité ni de gouverneur. Et il a dit, alors éloigne-toi de ces groupes, de tous ces groupes, même s'il faut que tu mordes sur la base d'un arbre jusqu'à ce que la mort vienne te prendre. Donc, frère en Allah, Azzawajal, on voit bien, très bien, comment le messager d'Allah nous a clarifié sur les poisons et les cancers qui ont fait perdre à la communauté sa puissance, ses honneurs, sa force, ses énergies, et qui ont paralysé la communauté. C'est très clair que cela n'est pas l'effet des ennemis d'Allah qui se sont réunis à plusieurs reprises pour venir à bout de cette communauté. Mais c'est l'effet des microbes intérieurs qui ont grignoté la communauté au fil du temps. Donc le mal de la communauté, le principal mal, vient de l'intérieur, comme l'a annoncé le véridique qui n'a dit que la vérité. Dans le hadith de Hudayfa, il a dit, alayhi salatu salam, dakhan. Il y a beaucoup d'explications concernant le terme dakhan. Dakhan, qui revient au sens de du mal, de la corruption. Dua al-Ma'boud, l'Azim Abadi, rapporte de l'Qari, concernant dakhan, il dit l'origine du dakhan, c'est une couleur qui va vers le noir. Et il dit, on retient de cela que c'est un bien mélangé à du mal. Donc, comme la a été clarifié par le messager alayhi salatu wasalam dans le hadith de Hudayfa, les étapes que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a citées, ce sont un bien pur à la première étape, il y a eu un bien pur à la première étape, et cette communauté et cette corruption dans les différentes étapes citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette corruption qui altère le bien des cœurs et qui corrompt les cœurs et qui les rend faibles, et qui font que la communauté tombe dans la maladie des autres communautés. L'amour de ce bas monde, l'amour du mondain, et aussi cela fait que la communauté se fait balayer aussi par les ambiguïtés. Et parmi les corruptions vient en premier lieu les innovations. Les innovations dans la religion d'Allah, car dakhan, ou cette corruption atteint la voie pure, cette corruption atteint la voie pure des premières générations après celle-ci. Et cela a déformé la voie claire héritée du messager alayhi salatu salam, dans le hadith de Hudayfa. Le prophète n'a-t-il pas dit, des gens qui sont sur une sunna qui n'est pas la mienne, et une guidée qui n'est pas la mienne, tu reconnais certaines de leurs pratiques et d'autres tu ne reconnais pas? Et ça, c'est l'origine de la maladie de la communauté. C'est une déviance de beaucoup, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala couvert de sa sainte miséricorde, c'est une déviance de la voie et un délaissement de sa sunna. Et avec cela, il nous apparaît clairement que l'origine de cette corruption, ce sont les innovations de la religion qui ont vu le jour à l'aube de l'histoire de cette communauté. Khawarij, Rafida, Mu'tazila, Sufiya, Qadariya, Murji'a. Tout cela pour créer la fitna dans la communauté et pour la dévier de la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et bien sûr, cela est encouragé par les ennemis d'Allah. Et regardez pour ce qu'on appelle actuellement l'islam de France. Il passe par la voie, par la renaissance de la voie du Mu'tazilite, par le biais de certains qui parlent notre langue et font partie de notre race, comme Tariq Oubrouk, comme le folklorique Chalroumi et autres qui mettent la raison avant les textes. Et partant de là, on comprend la gravité des innovations, car elles détruisent la religion. Hein? Ils détruisent la religion contre les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils détruisent les personnes et les corps. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs sont unanimes sur l'obligation de combattre les gens de l'innovation et de les boycotter et de les mettre à la quarantaine. L'imam Dahabi, rahimahullah, dans Siyar A'lam Nubala, rapporte. Et dans Siyar A'lam Nubala, après avoir cité la parole de Sofiane Thauri qui a dit, celui qui écoute un homme de l'innovation, en sachant que c'est un homme de l'innovation, celui-là sort de la protection d'Allah et sera laissé libre à lui-même. Et Soufiane Thaouri a dit aussi, celui qui a entendu une innovation, qu'il ne la raconte pas à son assemblée, il ne faut pas la jeter dans leur cœur. Commentons les paroles de Soufiane Thaouri, Dahabi a dit, le plus grand nombre des salafs sont dans cette optique de l'avertissement contre les innovations. Ils voient que les cœurs sont faibles et les ambiguïtés attirent, comme les mots attirent le fer. Dahabi rahimahullah a dit vrai. Combien de jeunes nous avons perdus, sont tombés dans les voies du Khawarij. Ils sont tombés dans la voie du Moussafiqa, dans la voie du Haddadi, dans la voie de ceux qui sont pires que les Haddadi. Pourquoi? Tout simplement, ils rentrent dans leur site, ils rentrent dans leur room, j'écoute ce qu'ils disent pour savoir, il n'y a aucun mal, je prends le vrai et je laisse le faux. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de l'énormité de son acte. Et après, on le retrouve dans leur rang et il commence ses hostilités avec ceux qui l'ont éduqué, avec ceux qui lui ont enseigné la voie des pieux prédécesseurs d'Allah, avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur son chemin pour qu'ils rentrent dans la voie des pieux prédécesseurs d'Allah. Et d'autres, juste on se retrouve, hein, malgré qu'ils sont dans la déviance, on se retrouve pour un petit match entre copains, en oubliant le fondement de l'alliance et du désaveu. Ils jouent son match avec des Ikhwan, ils jouent son match avec des Khawarij, avec des Moussafiqa, et certains même ont joué avec des Shia. Et se justifie, et justifie cela, en disant, ce n'est qu'un match. Wallah al-Musta'an. Après, tu le vois les pauvres, versatilisés, d'une tendance à une autre, d'une voix à une autre, d'un égarement à un autre. On n'a pas le droit de jouer avec sa religion. On n'a pas le droit de jouer avec la voix saine de cette religion. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Qu'on arrête d'être des proies. Qu'on arrête d'être les proies des tendances égarées, égareuses. Les innovations et les innovateurs, c'est une gangrène qui détruit la communauté de l'intérieur et qui a fait que cette communauté est tombée au plus bas de l'échelle, traînant derrière elle les autres. Les innovations et les innovateurs, c'est une gangrène qui détruit la communauté de l'intérieur et qui a fait que cette communauté est tombée au plus bas de l'échelle, traînant derrière les autres communautés. Et on voit clairement comment les ambiguïtés emportent les gens et comment les prêcheurs du mal utilisent un langage mielleux qui va dans le sens des passions de la grande majorité de la communauté et qui les emporte vers la déviance, vers l'égarement. Ainsi est apparu dans la communauté les deux ivresses annoncées dans les hadiths du messager alayhi salatu wassalam. L'ivresse de l'ignorance et celle de l'amour de ce bas monde. Hein? Et peu. Et on voit comment peu dans la communauté actuellement blâme le mal et ordonne le convenable. Et cela a fait que la communauté a perdu sa supériorité et son rôle du juste milieu et sa place du juste milieu. Car cette supériorité et ce juste milieu sont précisés dans ce verset. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. La traduction approximative du sens du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, et vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Beaucoup. Hein? Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur sa sainte miséricorde, beaucoup ne blâment pas le mal, ils n'ordonnent pas le bien. Beaucoup ne se conseillent pas mutuellement. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Il y aura toujours cette fraction qui sera toujours dans le bien et qui accomplira le bien et qui prodiguera le conseil. Donc on voit bien que la destruction de notre citadelle est interne. Notre citadelle a été détruite de l'intérieur. Et comme les ennemis d'Allah ont compris cela, ils ont utilisé tous les moyens pour que cette communauté ne prenne pas conscience de l'origine de sa suprématie. Et parmi ces moyens, ceux de la communauté qui ont été éduqués par les colons pour prendre les places de l'influence après les prétendues indépendances, et puis les dépenses généreuses pendant plusieurs décennies à éduquer et former des étudiants venant des pays de l'islam en Occident pour leur inculquer le monde à faire prévaloir quand ils retournent chez eux avec des diplômes. Ainsi, le poison peut s'infiltrer facilement et ses symptômes n'apparaissent que très tard. Et c'est ce qui est arrivé avec les premières vagues de ceux qui ont été éduqués dans la fin des années 60 et des années 70 par l'Occident, et pour lequel l'Occident a dépensé beaucoup pour leurs études. Mais maintenant, pour aller étudier en Occident, il faut payer. Pour aller s'abreuver du poison occidental, il faut payer. Et donc, on voit très bien. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui payent. Et donc, on voit très bien que ceux qui ont planté les microbes dans le corps de cette communauté, ce sont ces enfants éduqués et imbibés de cette culture occidentale, dans les universités occidentales et dans les instituts occidentaux. Mais celui qui a été envoyé comme Clémence n'a pas laissé la situation confuse. Il a clarifié avec ce qu'il a reçu comme révélation de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith de Hudayfa, une description précise de ceux de notre race. Qui détruisent la communauté et qui accomplissent ce que veut l'Occident. Et ils détruisent la communauté de l'intérieur et ils accomplissent ce que l'Occident n'a pas pu accomplir. Le prophète n'a-t-il pas dit, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui répond à leur appel, ils le jetteront dedans. Hudayfa lui a dit, décris-les-nous aux messagers, décris-nous ces prêcheurs. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ils sont de notre race, ils parlent notre langue. Et regardez combien de spécimens nous avons de ce type de prêcheurs en Occident et en Orient. Les gens Chalroumi, qui dit qu'il incombe, qu'il est obligatoire à tous les musulmans de France de dire « je suis chrétien » par solidarité à nos frères chrétiens. Pourquoi cela? Pour le crime barbare qui a eu lieu dans l'église de Nice, la décapitation de cette femme dans son lieu d'adoration, et ceci... L'islam se désavoue de ces actes, ainsi que les musulmans. Ceci, c'est une horreur. Mais regardez ce qu'il a dit. Et aussi l'autre bro, qui dit qu'Allah a autorisé les humains de le caricaturer, pour justifier les caricatures faites de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez les spécimens que nous avons, qui détournent la communauté de l'intérieur. Et l'autre, le Cuisen, qui dit « la meilleure interprétation du Coran, c'est celle de Sayyid Qutb. » Et l'on voit notre jeunesse directement dans les rangs des Khawarij, Daesh et compagnie. Car les livres de Sayyid Qutb, ce sont les livres du chevet des Khawarij. Et l'autre, de Belgique, il y a quelques années en arrière, Mustafa Kstit, il avait dit que ceux qui disent que les frères musulmans est une secte, ce sont des extrémistes. Et il a jugé que tous les hommes de science sont des extrémistes. L'Albani, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, et j'en passe. La louange est à Allah, on voit bien comment Allah a élevé l'étendard dressé par l'imam de la sunna, par le rabbi sunna. Cet étendard qui n'a pas baissé depuis qu'il a été levé par l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Il a levé cet étendard depuis plus de 40 ans contre les frères musulmans et contre les Qutbis. Et regardez aujourd'hui, ce vendredi, 26 Rabi, premier de l'an 1442, dans toute l'Arabie, sur tous les menbars de l'Arabie, a été lue la fatwa du comité de l'Ifta qui stipule que la secte des frères musulmans est une secte terroriste. Et qu'Inch'Allah, d'autres pays suivront l'Arabie Saoudite dans cette sage décision. Voyez comment l'étendard de cet homme est resté très haut, très fort. Il n'a eu peur de personne. Il a toujours proclamé et écrit contre les frères musulmans, contre les Qutbis, de toute tendance, les Sorori et autres, les Haddadi, etc. Et regardez, un État maintenant déclare que les frères musulmans sont une secte terroriste. Et cela n'est pas pour plaire aux frères dans le monde entier. Et dans un autre hadith, il y a une deuxième description de ces prêcheurs de l'égarement, dans le hadith rapporté par Muslim, où il y dit « Il existera parmi eux des hommes qui ont l'aspect humain, médicaire de shayatin. » C'est une des descriptions que le messager a fait de ces prêcheurs qui font apparaître à la communauté qu'ils sont soucieux de ses intérêts et de son bien et de son indépendance. Et ils satisfont la communauté par leurs paroles mielleuses, mais leur cœur tient à accomplir ce qu'ils ont appris dans les universités et instituts de leurs maîtres croisés, juifs et chrétiens et autres, et mu'tazilites et ainsi de suite. وربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ni les juifs ni les chrétiens, dans la traduction approximative du sens du verset, ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi que si tu suis leur voie. Donc, c'est les stratégies des orientalistes et des juifs et des occidentaux qu'accomplissent Rouaï Bouda. Les prêcheurs du mal. Ils accomplissent les stratégies des orientalistes et des juifs et des occidentaux et du sionisme international et ainsi de suite. Et ces rois Ibida qui sont des insensés, qui parlent sur les énormes sujets de la communauté et sur les sujets qui concernent toute une communauté. Ainsi, ces rois Ibidas se moquent des peuples qui les suivent et des populations musulmanes qui les suivent et qui leur ont laissé le commandement pour les guider vers la voie de la déviance et les sortir de la voie qu'Allah aime et agrée. Et ces prêcheurs de la déviance ne cessent d'appeler vers leur égarement. Ils ont constitué pour cela des groupes, ils ont constitué des partis politiques, ils ont constitué des clubs, des instituts, etc. Des congrès annuels et semestriels. Ils réalisent des congrès annuels et semestriels et mensuels avec le consentement de leurs maîtres occidentaux. Avec à voir la rencontre annuelle du bourget avec la bénédiction de la République. Et donc on voit bien que ces avertissements du messager alayhi salatu wasalam dans le hadith de Hudayfa sont là pour nous éclairer. Et pour nous éclairer. Et pour éclairer ceux qui sont atteints par la maladie des daltoniens. Cette maladie par laquelle est atteint le daltonien où il ne voit qu'une couleur, une seule couleur, alors qu'il existe d'autres couleurs. Et tout ce que le prophète a annoncé, on lit ses effets dans l'histoire de cette communauté. Car, alayhi salatu wasalam, il n'a pas parlé sur l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui a été faite. Et on voit très bien comment ces prêcheurs ne cessent de lever leur voix très haut. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux les prêcheurs du pluralisme de parti, les prêcheurs de la démocratie. Ce sont eux les prêcheurs de la liberté absolue d'expression, donc ceux qui sont à l'origine du Dakhan, de la corruption, sont les aïeux des prêcheurs contemporains. Ceux qui sont parmi le Mu'tazila, etc., qui sont à l'origine de cette corruption dans la communauté, sont les aïeux de ces prêcheurs contemporains. Et avec cela, il nous apparaît clairement que la manigance contre l'islam, les manigances contre l'islam et contre la communauté musulmane a des racines profondes dans l'histoire. Qu'on médite l'histoire et qu'on voit que cette manigance a des racines profondes. Et nous avons une autre clarification de notre messager, alayhi salatu wassalam, dans le hadith où il a décrit des années, en décrivant les années comme quoi ce sont des années de trahison. L'apparence, c'est-à-dire, comme l'ont expliqué les hommes de science, l'apparence de cette étape est trompeuse. Et l'apparence de ces années, sont trompeuses. Son apparence est bien. Il renferme le mal dans son intérieur. Le messager n'a-t-il pas dit, il existera parmi eux des hommes dont l'aspect est humain, mais avec des cœurs de shayatine. Et cela induit beaucoup en erreur, induit beaucoup parmi ceux qui ne regardent que l'aspect extérieur en erreur, car ils n'ont pas de clairvoyance sur le contenu intérieur. C'est pour ça qu'ils ne remédient pas au problème avant qu'il ne devienne plus grand, car ils ne le voient pas. Ils voient que l'apparence du bien. Cette corruption s'accapare du terrain et se renforce. Il s'est accaparé du terrain et il s'est renforcé. Regardez à qui le pouvoir sur la grande majorité des mosquées, sur la grande majorité des instituts, des associations religieuses, etc. Et cela est une grande aide et un renforcement pour ces prêcheurs de l'égarement et de la déviance. Les leaders de la fitna ouvrent et s'activent et utilisent tous les moyens pour égarer les gens et les détourner de la voie d'Allah. Donc il est de notre devoir d'être vigilants et de s'assurer où est-ce qu'on met les pieds et d'avoir la certitude dans laquelle il n'y a aucun doute que l'avenir est pour l'islam et pour cette communauté. Mais pour l'islam sur lequel était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et cela est conforme à la parole d'Allah. « Intansurullaha yansurkum » La traduction approximative du sens du verset, si vous faites triompher Allah, la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. La religion d'Allah, c'est la religion sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Mais malgré qu'on est à une époque où on prend comme véridique le menteur et on qualifie de menteur le véridique et qu'on fait confiance au déloyal et qu'on qualifie de traître le loyal digne de confiance, et où, il y a une époque où Rouaïbida se prononce sur les affaires et les sujets généraux de la communauté, le prophète, alayhi salam, quand il a été interrogé sur Rouaïbida, il a dit, si l'insensé qui se prononce sur les situations générales de la communauté, c'est-à-dire qui ne sont pas de son ressort. Cette description est relatée dans le hadith, hadith qui est jugé Hassan ibn Majah et d'autres. Malgré tout cela, et malgré que les ennemis d'Allah s'acharnent sur la communauté, si on revient vers Allah et vers la religion d'Allah comme il se doit, on relèvera la tête et on sortira de cette situation détestable et inconfortable. Il faut retrousser, mais il faut retrousser ses manches et apprendre la religion pure qu'a transmis Muhammad à ses compagnons, qu'ils l'ont transmis à leur tour, à leurs successeurs, qu'ils l'ont transmise à leur tour à la génération qui leur a succédé. C'est le seul moyen pour avoir les honneurs et la suprématie. Écoutez ce hadith d'Abdullah ibn Omar, dont la chaîne des authentiques que Cheikh Nasr Din Albani n'a cessé de répéter lors de ses rappels durant, le long de sa da'wah. Rahimahullah ta'ala. Il a dit, le prophète a dit, au sens du hadith, comme vous, transactions commerciales seront basées sur l'ayna, c'est-à-dire le déguisement, de riba, lui donner un aspect, un autre aspect, fausser l'aspect du riba, mais c'est du riba. Quand vos transactions commerciales seront basées sur l'ayna, et que vous êtes satisfait de ce bas monde, et que vous courez derrière ce bas monde, au point de délaisser les obligations d'Allah, et il a cité, alayhi salatu salam, le jihad. Mais attention, là, on s'arrête un petit moment. Le jihad, ce ne sont pas les actes barbares de l'Qaïda ni de Daesh. Ce n'est pas non plus les poses de bombes, ni l'assassinat des innocents dans leur lieu de culte, ni la décapitation des gens par vengeance, ni l'assassinat de non-musulmans rentrés en touristes ou en diplomates dans les pays de l'islam. Le jihad, c'est celui qui est prôné par un gouverneur. Il se fait seul le drapeau d'un gouverneur et derrière le commandement d'un gouverneur légiféré et non pas derrière les pseudo-khalifs. Et l'un des grands jihads avant le combat sur le sentier d'Allah, c'est l'apprentissage de sa religion, sur laquelle, de la religion sur laquelle était Mohammed al-Islam et ses compagnons. Et sa mise en application et le fait de l'enseigner à ceux qui sont sous notre responsabilité. Et ceci passe par l'effort d'apprendre la langue du Coran et la langue de la Sunna pour ne pas rester dépendant des traducteurs et pour avoir le plaisir de profiter de l'héritage de nos savants, des savants de la Sunna. Et revenons au hadith de notre messager, alayhi salatu wassalam. Après qu'il a dit les maladies et leurs effets, il a donné le remède unique. Après qu'il a dit, il a donné le remède. Et il a dit, alayhi salatu salam, vos transactions commerciales seront basées sur l'ayna, et que vous êtes satisfait de ce bas monde, et que vous courez derrière ce bas monde, jusqu'à ce qu'il vous fasse oublier les obligations d'Allah. Il a cité parmi les obligations le combat sur le sentier d'Allah. Azza wa Jal, il a dit à ce moment-là, Allah vous rabaissera. Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Il a montré les maladies et il a donné le remède. Allez, ça, tu sais, il n'y a pas d'autre remède que celui-là. Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et c'est là la clé de notre bonheur et de notre suprématie dans ce bas monde et dans le-delà. Et c'est ce que l'Occident et les ennemis d'Allah ne veulent pas. Méditez cette phrase. Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Les savants attirent l'attention sur ce pronom vôtre. Ça veut dire qu'au moment où le messager a diagnostiqué le mal et lui a donné son remède, il s'est adressé à des gens devant lui en les interpellant ainsi jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et qui était à ce moment-là devant le messager alayhi salatu wassalam? Certes, Atta ibn Wasil, le fondateur de l'école de la raison du Mu'tazilite, n'était pas là. Al-Jahm ibn Safwan n'est pas là non plus. Hassan ibn Na n'était pas. Sayyid Qutb n'était pas. Zawahri n'était pas. Bin Laden n'était pas. Le pseudo-khalif Abu Bakr al-Baghdadi n'était pas. Ni Iqissan, ni Tariq Ramadan, ni son frère Hani Ramadan, ni Tariq Obro, ni Kastit, ni Shilghoumi, ni Boussouna, ni Rachid Oujay, ni Ahmed Mikhtar, ni Bajrafi, ni Omar Lasfar, et tous ceux-ci, ils n'étaient pas là, et nous non plus, on n'était pas là. Donc, cela veut dire jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous reveniez à la religion sur laquelle était Mohammed, jusqu'à ce que vous reveniez à la religion sur laquelle étaient ceux qui étaient devant le prophète, parce que c'est eux, c'est les nobles compagnons qui étaient devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait qu'il est obligatoire de prendre la voie de ces nobles compagnons, radhiyallahu anhum, comme il est dit dans le verset. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et les premiers, comme il est dit dans le verset, les premiers qui ont quitté la Mecque pour Médine pour sauver leur religion, et les auxiliaires ou les alliés qui les ont accueillis à Médine, ceux-là, ils ont réuni toutes les conditions pour avoir la satisfaction d'Allah et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Et on ne fait pas partie d'eux. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la suite du verset. Et ceux qui les suivent à la perfection. Si on veut la satisfaction d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Et qu'on sache que les ennemis d'Allah ne sont pas naïfs. Et qu'on sache que les ennemis d'Allah ne sont pas naïfs. Et qu'on sache que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala observent tout et analysent toutes choses. Dans les années 80, j'avais lu un livre de Gilles Kepel qui était un orientaliste et un écrivain français avec ce titre « La France, banlieue de l'islam » où il relatait tout ce qui se passait en France et en Belgique et un petit peu dans certains pays d'Europe. Même les étalages de cassettes de kishk et autres frères musulmans qui se vendaient dans les ruelles sur les trottoirs à Barbès et à Belleville et un petit peu partout. Et il a écrit aussi comme quoi il rencontrait les frères musulmans et les fréristes dans les banlieues parisiennes qui, il leur dit, il a écrit, devant nous vous dites nos frères les chrétiens. Et dans les banlieues, vous dites les mécréants. Hein? Vous voyez un petit peu, rien ne leur échappe. Et on voit comment la roue tourne. Hein? Sur ceux qui ne prennent pas et qui ne mettent pas en avant la vérité et la voie de la vérité, certains sont poursuivis par la justice pour détournement de fonds. D'autres pour viol, d'autres pour je ne sais quoi, alors qu'auparavant, ils avaient les tapis rouges étalés sur les plateaux de télé, sur les ondes de radio. Hein? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah les guide. Et qu'ils fassent qu'ils reviennent à leur raison. Réveillons-nous, frères en Allah, Azza wa Jal. Et revenons, et qu'on revient à notre religion comme il se doit, à cette religion pure, hein, sur laquelle, d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si on veut les honneurs de cette communauté, et qu'on arrête de prendre comme guide les corbeaux, car ils ne font passer que par les cadavres des chiens, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد هذا الوباء سأله سبحانه وتعالى أن يلنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويلنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه سأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة التوحيد والسنة سأله سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا وسأله سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا